Les deux types de colère. Donc, c'est le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui qui est fait lors du mois de juillet de l'année 2024. Donc, j'ai décidé de faire un enregistrement en particulier pour clarifier les deux types de colère qui peuvent exister. En fait, au fil du temps, au cours des années, j'ai déjà abordé le phénomène de la colère psychologique versus de la colère mentale, la colère vibratoire. Et puis, comme je sais que pour certaines personnes, ça se peut que ce soit des concepts qui ne soient pas clairs, ou s'il y a des nouvelles personnes qui ont commencé à écouter mes enregistrements, en fait, je voulais prendre le temps de clarifier ce que j'entends ici là, par colère mentale. Donc, les deux types de colère, en fait, sont que d'un côté, une personne peut vivre une colère de nature psychologique, une colère émotionnelle. Donc, c'est une colère où la vibration qui est derrière l'énergie est en relation avec le plan astral. Donc, une colère psychologique, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui est en colère contre une autre personne. Donc, dans le domaine, par exemple, la politique, une personne n'aimera pas un politicien et elle va être en colère, en réaction, par exemple, par rapport à des propos tenus par un politicien. Ça, c'est un exemple concret de colère psychologique. La colère psychologique, c'est une colère vécue au premier niveau. C'est une colère que l'individu peut retourner contre une autre personne. Donc, la colère psychologique, c'est un niveau de colère. Tandis que la colère mentale, la colère vibratoire, est en relation avec une activation d'énergie qui est en relation par rapport au rapport que la personne a avec son esprit. Dans le phénomène de la colère mentale, l'esprit de l'individu passe. Et la fonction de la colère mentale, c'est une colère qui vise un dévoilement. Et non pas attiser la haine d'une personne contre une personne, mais dévoiler certains éléments qui pouvaient être occultés jusqu'alors, comme par exemple des mécanismes psychologiques défaillants. Donc, c'est une colère qui va amener une forme d'éclairage sur une situation, sur un événement, sur les forces aussi qui sont derrière les individus. Donc, la colère mentale est en relation avec l'activation de l'énergie éthérique au sein de l'individu qui l'amène à s'allumer un peu comme un soleil, qui va l'amener à rayonner et pulser d'une énergie nouvelle, qui va faire éclater des formes, qui va amener des dévoilements et qui va amener une impulsion créative. Tandis que dans la colère psychologique, un phénomène d'escalade psychologique qui peut se produire, d'enlisement aussi, dans le sens qu'il y a des gens qui vont être les supporteurs d'un parti politique, des gens opposés qui vont supporter le parti adverse. Donc, si on pense à deux super partis politiques, comme on peut le voir aux États-Unis, les démocrates, les républicains, et il y a des gens qui sont dans un camp et qui vont être en colère contre l'autre et vice-versa. Naturellement, l'escalade de la colère vécue peut amener éventuellement des propos injurieux, voire des comportements criminels, comme par exemple la tentative de meurtre de quelqu'un qui va se présenter pour être le président des États-Unis. Au moment où est faite cette capsule, en juillet 2024, un événement important a eu cours aux États-Unis, c'est-à-dire qu'une tentative d'attentat par rapport de meurtre, en fait, de quelqu'un qui voulait tuer Donald Trump, et là, il y a une balle qui a eu un impact sur l'une de ses oreilles, mais la balle, l'impact que ça a eu, bien que ça l'a saigné, ça n'a pas été fatal. Et c'est sûr que par rapport à un événement comme ça, bien, il y a des forces qui se sont manifestées, donc il y a des forces de camp, d'égrégore d'énergie. Le Parti républicain a un égrégore, le Parti démocrate a un égrégore aussi, et il y a des gens qui ont un rapport polarisé à la politique à un point tel que, naturellement, ça peut amener des tentatives de meurtre. Est-ce qu'un événement comme ça en tant qu'individu ne me surprend pas du tout? Mais pour en revenir au sujet, De la colère au premier niveau, donc ça peut être une personne qui déteste tellement une autre personne qu'il va chercher à la tuer. Et la personne qui est chevauchée par l'astral, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est que elle pense que c'est elle qui pense. Elle n'est pas consciente que la pensée n'origine pas d'elle. Donc, elle peut entendre une voix dans la tête qui lui parle, qui lui dit, je vais éliminer le président des États-Unis, je vais me procurer une arme à feu, je vais me positionner à tel endroit quand il va se présenter pour faire un discours public à tel jour, à telle date. Et la personne pense que c'est elle qui pense, est manipulée, tel un pion, tel quelqu'un qui est téléguidé. Et la personne, naturellement, dans sa polarisation astrale, peut croire faire le bien en agissant ainsi. Donc, la colère, ça peut amener à une tentative de meurtre ou à commettre des meurtres, etc. Tu sais, ça va loin. Naturellement, il y a des forces dans le cosmos qui ont compris le principe divisé pour régner, dont les forces astrales. Les forces astrales, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils amènent des gens à se polariser au maximum. Présentement, les réseaux sociaux sont un lieu de polarisation extrême par rapport à des opposants politiques qui sont soumis à différentes doctrines, idéologies politiques, ce qui amène certaines personnes, par exemple, à voir Donald Trump comme étant un sauveur, un messie, et d'autres, au contraire, de voir à travers lui l'antéchrist ou un individu qui est dangereux, donc qui est une menace pour la démocratie, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs camps, il y a plusieurs visions polarisées, et ça profite naturellement l'esprit astral de division qui relie l'individu à du mémoriel. Et pendant que l'individu est occupé à contester ou à ruminer des pensées de colère par rapport à d'autres personnes, à réfléchir, il n'est pas occupé à contester la domination astrale qu'il chevauche et qui peut l'amener à avoir de tels comportements à son détriment, dans le sens que quelqu'un qui, par exemple, se fait arrêter parce qu'il a tenté de tuer un président des États-Unis, naturellement, la personne elle risque d'avoir une peine importante de prison. Par la suite, ça risque de nuire à sa réputation et à son insertion en emploi, à sa vie amoureuse, ainsi de suite. Les retombées sont extrêmement lourdes. Mais il y a des gens qui sont aveuglés par l'astral le temps de commettre une action une très grande gravité. Mais pour en revenir à l'essence du commentaire, c'est qu'il y a deux types de colère. Et tout ça, c'est subtil parce que dans la psychologie conventionnelle, cette distinction entre la colère psychologique et la colère mentale n'est pas faite. Et il y a des psychologues qui vont dire ben, de nourrir de la colère, c'est malsain systématiquement. Oui, certes, si la personne nourrit de la colère par rapport à d'autres personnes, puis elle pense tout le temps à ça, puis elle est extrêmement tendue, c'est sûr que ça ne l'aide pas à se détendre. Ça, c'est clair. Par contre, il y a un autre niveau de colère qui fait éclater de la forme, mais que la psychologie contemporaine, au moment où ce que je vous parle, n'a pas intégré. Et là, ce qui arrive, c'est que toute la colère est mise dans le même bain, alors que ça ne devrait pas être le cas. On va mettre par exemple la joie dans le même bain, ainsi de suite, mais des subtilités, mais ça va se découvrir au fil du temps. Et c'est sûr que la personne qui possède un savoir par rapport à certaines choses comme les différents niveaux de colère, c'est un savoir qu'elle a. C'est sûr que la société évolue à son rythme, puis chaque chose va être développée et dévoilée collectivement en son temps. Mais ce qui est important, c'est que l'individu, dans le fond, réalise que la fonction occulte de la colère mentale, c'est que la personne ne se fasse pas chier par le phénomène de la pensée, puis être lucide que la pensée n'origine pas d'elle, et qu'à ce moment-là, elle peut contester en utilisant la puissance de la colère, en force de volonté, l'entité ou la conscience qui est derrière certains types de pensées pour lui amener à dévoiler des différentes choses ou à lui parler intelligemment. Donc la colère supramentale cherche, en étant utilisée consciemment, à amener l'individu à sortir de la désinformation psychologique involutive, subliminale et inconsciente qui lie la personne au plan astro. La colère mentale sert à sortir l'individu de l'hypnose de masse. Et changer de comportement aussi. Donc, puis d'avoir une lucidité par rapport à ce qui se passe. Là, présentement, si, par exemple, il y a un attentat qui est fait contre un président des États-Unis, il y a plein de monde un peu partout qui vont être en colère, les supporters de Donald Trump aux États-Unis, parce que, je veux dire, sa vie a été mise en danger. Donc, les médias ont désigné, au moment où je parle, le présumé coupable, le présumé tueur. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'énergie de la colère psychologique va être canalisée par rapport à la foule, par rapport à la masse, vers cet individu. Mais moi, ce qui m'intéresse, puis dans le fond, quelqu'un pourrait passer son temps à lire cet individu-là, mais ça ne changera pas le passé puis le geste qu'il a commis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder la mécanique psychologique qui amène une personne à commettre une telle action, puis d'être capable d'être lucide par rapport à ce qui se passe. Dans le sens que de passer du temps à haïr un individu spécifique, c'est pas un signe d'intelligence, parce que la personne pourrait utiliser ce temps-là pour s'émanciper sur le plan psychique ou dans sa vie personnelle. Tu sais, la personne, au lieu d'étudier les placements boursiers ou étudier, par exemple, un livre pour faire des recettes qui favorisent sa santé, ben non, elle va passer le temps à écouter des chaînes de bulletins de nouvelles en continu, où ce qu'on remet au ralenti des scènes où il y a eu un attentat pour tuer un président des États-Unis au ralenti. Mais c'est de voir l'allocation du temps qui est faite. Mais sinon, au niveau, je vais revenir au niveau du principe de la colère mentale. La colère mentale cherche, dans sa fonction, à amener l'individu à arrêter de vibrer à la colère psychologique. Puis être dans une dynamique de contestation de la vibration de l'astral qui est derrière la manipulation d'individus inconscients qui servent de pion pour commettre des attentats terroristes et aussi derrière la manipulation médiatique pour centrer l'attention, canaliser les énergies de la masse par rapport à certains individus donnés. Donc, et c'est sûr que derrière ça, aussi ce qu'il faut comprendre, c'est que la colère mentale ne peut qu'être exercée par l'individu qui est en état de fusion avec l'esprit. C'est-à-dire que un individu qui est pénétré par la vibration supramentale. Donc, c'est pas qui veut être en colère mentale, mais c'est qui peut, qui en a la capacité. Et pour avoir la capacité, il faut que la personne soit en fusion. Pour être en fusion, il faut que l'esprit le pénètre. Puis pour que l'esprit pénètre un individu, c'est pas l'individu qui décide ça, c'est pas le voisin. Puis quand même bien que je voudrais que, par exemple, une personne de mon environnement est en colère mentale, c'est pas moi qui peux le décider. Ça prend une activation d'énergie. Et pour que l'activation d'énergie se passe, il faut que la personne soit mise en vibration avec cette énergie-là. Et la fonction de la colère mentale cherche à amener l'individu à contester l'astral en lui et contester toute forme de colonisation psychique de l'astral qui pourrait se faire pour l'amener à perdre de l'énergie. Puis plus que l'individu intègre la vibration supramentale, puis plus que la personne peut être facilement irritable et monter rapidement à un état de colère mentale et contestation, et l'individu qui, à son contact, ne vit pas la colère mentale, ne pourra pas pleinement comprendre l'événement, ce qui se passe avec cette personne. Il pourrait aussi, dans le fond, être indisposé sur le plan vibratoire, parce que la vibration de la colère mentale peut être plus grande que la vibration de la colère psychologique que la personne peut vivre. Quelqu'un qui a une colère mentale peut dire à un autre individu qui est indigné par rapport à un crime qui est commis, ben, il peut lui dire, ben, regarde, tu passes la prochaine semaine à écouter des bulletins de nouvelles puis à haïr la personne qu'on dit qui a fait l'attaque. Tu perds ton temps, ça n'amènera pas de changement au second niveau. c'est contre-productif, c'est une forme de dilapidation d'énergie vitale. Là, la personne peut sentir qu'il y a une vibration forte qui passe, mais si la personne n'a pas le principe du feu psychique, eh bien, elle peut momentanément bénéficier de cet éclairage en disant ouais, c'est intelligent, mais la minute que l'autre n'est plus là, puis la personne tombe sous le joug de rumination anxieuse ou psychologique ou de pensée réfléchie qu'elle nourrit sous influence astrale, elle va être récupérée par l'astral, puis elle va se remettre à haïr l'individu qui est désigné par les médias comme étant le méchant. Et ça sert à un système énergétique, ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on cherche à un certain niveau à nous garder occupés, à haïr des personnes au niveau psychologique au lieu d'utiliser notre énergie pour nous émanciper psychiquement du contexte involutif, être capable de s'en détacher d'une manière intelligente et à s'occuper intelligemment de notre vie plutôt qu'être dans les rebondissements dramatiques, médiatiques, orchestrés par des forces astrales pour nous sentir exister par procuration à travers des bulletins de nouvelles ou des personnages de science-fiction ou des histoires qu'on nous raconte. Pour ce qui est du type de colère, je regarde s'il y a des choses à rajouter par rapport au type de colère. La colère mentale, c'est une vibration qui se comprend peu ou très mal par l'individu qui vibre d'une manière psychologique car ne faisant pas partie de son modus operandi. La colère mentale peut créer des chocs qui peuvent amener des changements vibratoires. Et ça place la personne qui vit la colère mentale en présence d'une autre en position initiatique, c'est-à-dire initier une autre personne à vibrer et être en contact avec un taux d'énergie qu'elle n'est pas capable de générer d'une manière autonome. Et là, à ce moment-là, l'astral qui gravite autour de la personne, c'est-à-dire son bagage mémoriel et des entités peuvent être indisposées par ça et ça crée des résistances. Désastraliser une autre personne en utilisant la colère mentale qui est vibrée en présence d'une autre personne, ça implique à un certain niveau des combats occultes parce que l'astral ne veut pas perdre son emprise. Et l'énergie mentale, l'énergie de l'esprit cherche à pénétrer le territoire psychique. Donc, il y en a une qui veut une énergie qui ne veut pas se déloger, puis l'autre qui veut passer. Mais là, ça crée des tensions. Mais sinon, par rapport aux deux types de colère, ça prend un véhicule de la colère mentale ultimement pour bien la comprendre, la saisir. Puis c'est en relation avec un mouvement énergétique qui est vécu par l'ego qu'il subit de la part de l'esprit. C'est-à-dire, c'est comme un réflexe où la personne qui souffre tellement qu'elle a une volonté qui est augmentée en relation avec l'énergie de la souffrance qui est canalisée tel un carburant pour s'alimenter. Puis elle génère la colère mentale sans l'avoir décidé de manière psychologiquement. C'est pas une colère que la personne va vivre d'une manière calculée ou réfléchie. Donc c'est pas une colère qui peut être simulée non plus. C'est une colère qui arrive lorsque la personne ne peut pas faire autrement que vivre cette colère-là. Donc, à ce moment-là, vous ne pouvez pas suivre une formation de 45 heures sur la colère mentale en lisant des livres sur Internet ou en suivant des ateliers parce que c'est un phénomène énergétique individuel que la personne va connaître lorsqu'elle a à le vivre dans le temps de son esprit, pas le temps de l'ego. Et là, la personne peut être surprise en montant en état de colère malgré elle, d'une manière spontanée, sans aucune préméditation. Tandis que la colère psychologique, une personne peut essayer de l'orchestrer un peu comme un acteur de théâtre en disant « ben la personne va dire telle chose, ensuite je vais dire telle chose, puis je vais être en colère. » C'est de la colère qui réfléchit, qui n'aura pas la même amplitude, intensité énergétique. La colère vibratoire a une capacité d'amener des changements créatifs au second niveau, alors que la colère psychologique, non. Et c'est sûr qu'une des fonctions qui va surprendre les individus, c'est le fait que la colère mentale, c'est amener un éclairage, c'est amener de la lumière sur un sujet, une compréhension, une capacité de voir plus clair. Alors que dans le domaine psychologique, on va dire, ben, si tu te mets en colère, la colère va t'aveugler puis tu verras pas clair. Certes, si la personne est possédée par une émotion qui la dépossède de sa capacité d'être présente, parce qu'elle est trop envahie, surchargée émotivement. Donc, le débordement émotionnel, c'est sûr que ça embrouille. Tandis que la colère mentale, au contraire, ça éclaire. Mais c'est difficile à comprendre. C'est comme de dire que la colère mentale, c'est créatif pour quelqu'un qui fonctionne d'une manière psychologique et qu'il a habituellement pas accès à une conscience psychologique, car il ne vit que d'une conscience mécanique. Mais pour avoir accès à une conscience créative, et non pas mécanique, comme l'individu qui vit la colère mentale, ben ça prend une mise en vibration. Et pour avoir la mise en vibration avec une grande amplitude, ça prend les corps. Puis pour avoir les corps, ben ça prend les ajustements vibratoires. Et souvent, c'est en lien avec des souffrances qui sont vécues, qui amènent la personne à monter en vibration et de voir de plus en plus clair. Le prix à payer pour vivre la colère mentale est en relation avec des charges d'énergie inversement proportionnelles à des souffrances, qui va faire en sorte qu'éventuellement, la personne va devenir de plus en plus, à un certain niveau, saturée de la colère psychologique. Puis ce qui va la mettre en colère, c'est de voir la manipulation médiatique qui cherche à orienter ses énergies dans une direction plutôt qu'une autre. L'un des phénomènes de colère qui peut être fait, c'est la personne qui conteste le jeu de polarisation astrale qui amène à chercher à nous amener à nous polariser dans un camp plutôt que dans un autre, en disant, ben toi, es-tu pour telle personne qui se présente aux élections américaines ou t'es contre lui? La personne peut répondre, ben j'observe qu'est-ce qui se passe, je suis ni pour ni contre. Et la personne, dans le fond, ne cherchera pas à se polariser pour un camp plutôt qu'un autre à un point tel que de nourrir une haine par rapport à un individu qui va la couper progressivement de sa source. Mais pendant que les êtres humains sont occupés à s'entre-déchirer entre eux, ben, c'est le plan astral qui tire profit de ce système de tension, de combat énergétique entre des factions qui sont orchestrées par le plan astral. Le plan astral tire les ficelles des différents camps, à la fois du camp qui sont pour un parti politique et contre, mais les gens sont tellement fanatisés ou polarisés par les médias sociaux qui relaient par un effet de biais tout le temps le même type de nouvelles que les gens sont pris dans des constructions de réalité, une bulle qui fait en sorte que plus que la personne écoute des gens dans les médias officiels ou alternatifs qui sont pour un politicien, plus qu'il est pour ce politicien-là, et plus que sur les réseaux sociaux, on va lui recommander d'écouter d'autres vidéos qui sont pour et favorables à tel politicien, ce qui fait que ça l'a renforcé, ce qui crée un état de polarisation. Même chose pour les gens qui sont contre, puis le même média social peut nourrir une dynamique de propos similaires par rapport à un camp ou un autre qui va amplifier des polarités. Et l'amplification des polarités amène des déséquilibres, dans certains cas, des actes criminels. Et donc, la colère au premier niveau psychologique est destructive. Elle peut détruire l'individu ou d'autres individus. Donc, elle peut mettre la vie d'une personne en danger ou la vie de d'autres personnes en danger. Alors que la colère vécue au second niveau, qui est de nature créative, l'amène à sortir de la polarité et voir plus clair par rapport à la situation. Et oui, être destructif sur le plan de la destruction de la forme, mais d'avoir accès à une compréhension créative qui sort la personne des jeux de polarisation et crée une forme de détachement en relation avec une capacité d'une captation d'une dimension individuelle impersonnelle qui amène une perspective qui est plus objective par rapport à une situation, un événement. Ce qui fait en sorte que la personne n'en passera pas les prochains jours à pleurer puis à s'empêcher de dormir si elle apprend que il y a un politicien qui a été victime d'un attentat. Puis elle va pas non plus s'en réjouir. Elle va être capable de regarder les choses froidement, en constatant les faits, en constatant l'état de manipulation qui a toujours cours sur Terre dans l'esprit des gens, et que à quelque part la Terre, c'est pas un milieu qui est sécuritaire. C'est un milieu où la personne doit être aux aguets. Pourquoi? Ben, parce qu'en tout temps, des individus sous emprise astrale sont un peu à l'image de bombes qui peuvent exploser car inconscientes et sous l'influence de forces qui les échappent à leur conscience. Tant que cette condition évolutive existe, c'est-à-dire que des individus qui n'ont pas une conscience intégrale sont présents, ben, ça fait que la Terre, c'est un lieu dangereux. Ça fait que c'est un lieu où il peut y avoir des attentats pour tuer des présidents, des attentats terroristes, et ainsi de suite. Et ça, c'est le corollaire de l'involution. Parce que les gens n'ont pas la capacité d'avoir accès à une conscience créative qui leur permettrait d'être libérés instantanément d'une pulsation énergétique astrale en relation avec une émanation pulsatoire énergétique de l'esprit qui délage l'astral dans leur conscience instantanément, comme un claquement de doigts. Mais chaque chose en son temps, les gens de la nouvelle évolution qui sont capables de vibrer et pulser à la colère mentale sont en train de réorganiser l'éther de la Terre, créer des chocs par rapport aux formes mémorielles et résidentes. Et à un moment donné, les choses vont s'ajuster puis vont changer au fil des siècles. Ça, c'est par rapport au collectif, mais l'individu qui vit d'une conscience supramentale, il a à pas se faire chier par rapport aux événements planétaires, il a à être dans son identité, puis agir pour lui, pour une générosité individuelle. Pas pour sauver le collectif, pas non plus pour mépriser le collectif, mais pour lui. Il ne cherchera pas à nuire à autrui, mais il ne cherchera pas à sacrifier pour le collectif, puis être un martyr. Parce qu'il va être détaché d'un rôle spirituel. Mais il peut interférer pour lui. On peut utiliser sa vibration, son énergie, à travers, entre autres, le phénomène de la bénédiction ou de la commande à l'univers. Donc, je vais compléter cet enregistrement en disant que, en tant que conscience, je peux bénir le lieu où je vis pour qu'il soit chargé de lumière, d'intelligence, de beauté, de créativité. Je peux bénir ma conscience pour qu'elle prenne toute la place dans mon lieu de vie. Je peux bénir mon corps physique pour qu'il soit en santé. Je peux ordonner, j'ordonne d'ailleurs à mon esprit que mon corps soit dans un état de santé optimal. Que ce soit par rapport à mes yeux, mon nez, ma bouche, mes reins, mon foie, mon urètre. ensuite, mes intestins, mes reins, mon cœur, que tout puisse dans un état optimal. Je peux utiliser ma volonté individualisée pour que ça aille bien dans ma vie sur le plan financier, dans ma relation avec ma compagne, ma relation avec ma famille, je bénis ma compagne, ma fille. Je bénis ma vie dans une conscience que je puisse vivre en santé longtemps, d'une manière équilibrée, d'une manière ajustée. Je bénis ma capacité de connaître une autorégulation vibratoire qui soit porteuse d'une compréhension renouvelée, créative, instantanée, immédiate de ce que j'ai à savoir en tout temps, que c'est nécessaire. Je bénis ma lucidité pour l'amplifier. Je bénis ma capacité de regarder les choses avec recul, avec une compréhension qui est par-delà les polarités des différents camps politiques, par exemple, qui sont en opposition dans le cadre d'une course électorale. Je bénis ma capacité à voir les forces réelles qui sont derrière les candidats et les partis politiques. Je bénis ma capacité à être lucide par rapport aux polarités énergétiques, par rapport à la manipulation médiatique, par rapport à voir clair par rapport à la manipulation de nos dirigeants. Et je bénis la capacité d'actualiser des changements au second niveau dans ma psyché. Je bénis ma capacité de jour comme de nuit d'être libre de l'astral. Je bénis ma combativité psychique par rapport aux différents assauts que je peux vivre à la fois dans le jour et dans mes rêves. Je bénis ma force mentale pour qu'elle soit amplifiée. Et c'est à partir de la force mentale qu'on peut avoir, c'est-à-dire la puissance de volonté individuée, que la colère mentale peut avoir de la puissance, avoir de la force. Je bénis ma capacité à me dévoiler dans les médias, donc tout ce que j'ai à savoir dans l'ici et maintenant. Je bénis ma capacité à voir clair par rapport à ce qui se passe dans le monde sans pour autant être aux remorques des interprétations psychologiques des spécialistes médiatiques et de ce que veulent m'en dire des politiciens dans le cadre de débats polarisés et polarisants. Je bénis ma capacité de savoir tout par moi-même. Je bénis mon indépendance psychique. Je commande aux forces de mettre en place dans ma vie, ici et maintenant, une abondance financière, une abondance de santé, pendant que je parle, je fais des barres de gauche à droite, puis là, il y a des idées qui émergent. Mais ça revient depuis tantôt. Je bénis mon unité avec mon esprit, mon ouverture à ma conscience. Je bénis le tourbillon d'énergie que je peux capter et canaliser dans le moment présent pour m'éclairer sur la nature réelle de mes besoins et la portée réelle de mes paroles. Puis pendant que je bénis, bien, il y a des réponses qui émergent. À différents niveaux. Des fois, des réponses qui sont confrontantes. Je vous donne un exemple. Quelqu'un peut dire, ben, je vais bénir pour être éternellement jeune sur le plan physique. Or, ça peut lui dire intérieurement, ben, écoute, ton mandat, c'est pas de rester sur Terre d'une manière éternelle, mais c'est plutôt de vivre sur Terre le temps d'une intégration de conscience et d'ajustement énergétique que tu peux vivre compte tenu du contexte et de vivre un optimum par rapport à ce niveau-là. Ce que ça me dit, bien, c'était mieux de bénir le temps que tu as à être sur Terre de manière à pas te faire chier par la vie compte tenu du contexte. Continue des potentialités inhérentes au corps biologique qui peut être changé ou altéré à un certain niveau. Il y a un certain registre que oui, la conscience peut agir sur le corps, ne serait-ce que le corps soit pas en état de décrépitude d'une manière prématurée à cause d'une mauvaise gestion énergétique en relation avec la filiation psychique à l'astral qui l'amène à polariser son énergie, à haïr, par exemple, un politicien plutôt qu'un autre, puis en en aimer un plutôt qu'un autre, les émotions vécues d'une manière psychologique, c'est-à-dire subjective, sont des grugeurs d'énergie importants. Donc, c'est des dépenses énergétiques. C'est oxydatif à un certain niveau. Ça use le système. Ce qui me vient en tête, c'est l'image des émotions sont comparables lorsque vécu psychologiquement, à de la rouille qui va se loger sur une auto et qui va user prématurément la carcasse d'un auto, puis éventuellement, ben, la carcasse perfore, puis la forme se dégrade. Puis plus que l'individu ou l'auto est rouillé, plus qu'il y a de la fragilisation. En fait, ce que ça me dit, c'est que plus que la personne est liée psychiquement à l'astral, plus que ça l'amène à se dégrader parce que c'est une incidence, parce que tout est interrelié sur le plan physique d'une manière prématurée. Par cause que ça me dit simultanément les chocs énergétiques en relation avec la conscience vibratoire et la transition d'une conscience astrale à une conscience de l'esprit peut amener des chocs énergétiques qui amènent une dégradation de la forme sur le plan biologique. Et ce que ça me dit, c'est que l'esprit, sa priorité, c'est pas que le corps biologique soit en santé, mais c'est que le corps biologique soit le lieu où la conscience est altérée pour qu'elle devienne une conscience nouvelle. Là, ça me dit, ben, bénissez votre conscience nouvelle, votre conscience intégrale, votre puissance énergétique, votre stabilité psychique, votre capacité à faire face aux oppositions astrales qui fait que vous n'êtes pas en contact avec nous. Et le nous ici, c'est le plan éthérique. Puisque ça me dit, ben, c'est à chaque fois que je suis en contact avec la colère mentale, je suis en contact avec le plan éthérique, c'est instantané, c'est immédiat. Le plan éthérique cherche à rétablir l'ordre, sa puissance énergétique lui en confère l'autorité et l'individu qui est porteur d'une parole vibratoire, l'autorité d'ajuster un individu qui est soumis, assujetti à un individu qui vit d'une colère astrale, car la vibration plus forte va réguler celle qui a moins de puissance énergétique. Donc, c'est ça. Ce que ça me dit, c'est que le changement que la personne a à vivre, elle va y vivre. C'est juste une question de temps. Donc, les gens n'ont pas à se préoccuper outre mesure par rapport aux notions de colère mentale ou de colère psychologique et surtout pas gaspiller du temps à les réfléchir. Donc, parce que sans ça devient de la perte de temps. C'est intéressant de comprendre les modalités d'énergie derrière ça parce que c'est ça qui amène des changements d'état d'être fondamental, radical et un changement du modus operandi, c'est-à-dire comment que la personne fonctionne au quotidien dans sa psychologie et sa psyché. Et c'est sûr que c'est souvent à travers la souffrance d'une situation qui lie la personne au plan astral qu'elle passe au plan mental. Et pour connaître la saturation, ben, c'est en fonction de la sensibilité. Moins la personne est sensible au plan éthérique, moins le temps de saturation est court, puis plus que ça n'en prend, puis plus qu'il est pénétré par l'énergie éthérique, moins ça y prend de temps pour voir clair par rapport à l'astral, parce qu'il est supporté vibratoirement pour avoir une vibration qui est différente et qui va spontanément la déloger. En fait, ce que ça revient à dire, c'est que la vie est en relation avec des cercles vicieux. Plus que la personne est inconsciente, plus c'est difficile pour elle de sortir de son inconscience. Et plus que la personne est consciente, plus que c'est facile, quoi qu'elle a à vivre des combats occultes pour se maintenir dans son état de conscience, mais à un certain niveau pour voir clair. Parce que l'énergie, la vibration s'active d'une manière automatisée en elle. Donc, certains vont parler d'autorégulation vibratoire. Sinon, moi, en tant qu'individu, avec ma volonté individuelle, qu'est-ce que je veux pour en revenir en relation avec l'histoire de la bénédiction, donc de chercher à tirer la couverte de son côté? Tout le monde cherche à le faire, pourquoi pas nous-mêmes? Donc, je suis de cet avis-là pour en revenir à du fondamental. Je veux que ma vie familiale soit agréable. des relations agréables avec des gens de mon entourage, harmonisées. Donc, c'est ce que je commande, c'est ce que je cherche à mettre en place en utilisant mon énergie. Bien entendu, il part des énergies adverses ou des gens qui font rien. Mais là, s'il y a des gens qui font rien, c'est comme l'intentionnalité préétablie qui va régir la nature du rapport quand la personne est comme dans un état où ce qu'elle n'a pas de préjugés ni rien. Donc, elle se laisse dans le fond, un bateau qui se laisse porter par le flot au gré des événements. Donc, c'est sûr que par rapport à ça, la personne suit les événements. Dans un sens, quelqu'un pourrait dire, ben, tu veux polariser ta vie en fonction de ta conscience pour avoir la santé, parce que la santé, c'est une polarité, que ce soit la santé physique, émotionnelle, financière. Oui, dans un sens, c'est de la polarité, mais dans un sens, c'est de la polarité, dans le fond, qui est en relation avec une portée pratique dans ma vie, puis plus que je deviens conscient, moins je vais me faire chier. Ça me prend un équilibre à ce niveau-là pour être dans la paix de l'esprit. Donc, ce que j'aspire, c'est pas passer mon temps à réfléchir et dire « Ah, c'est pas drôle, il y a une fusillade aux États-Unis, il y a eu ci, il y a eu ça, yaya. » Non, Chris, je veux pas passer du temps à m'apitoyer sur le destin de l'humanité. Je veux passer mon temps à agir concrètement dans ma vie pour être bien dans ma peau. Et en complémentarité avec ça, agir d'une manière occulte, à l'être aussi. Donc, puis la paix, ça se préserve. Faut pas penser que parce qu'à un moment donné, vous vibrez à de la paix de l'esprit suite à un état de colère mentale qui crée un vide mental momentané, que l'astral ne reviendra pas au galop. Elle peut revenir à galop à plusieurs reprises. Et là, ça devient à développer une force de composer avec des tensions énergétiques. Et tant que l'individu sur Terre et que l'astral existe, est en puissance et qu'il y a des forces adverses, ben, vous êtes en situation que vous vouliez que vous ne vouliez pas de combat psychique à mesure que la colère mentale se développe. La colère mentale n'est pas et ne sera jamais le fruit d'une réflexion de l'ego. C'est le fruit d'une mise en vibration de l'ego qui le lie au plan éthérique et à l'esprit, et qui génère une descente d'énergie immédiate et spontanée. Et la colère mentale donne accès à une capacité de vision grandissante qui amène une dépollution des formes astrales dans la psyché, qui fait éclater les mémoires, les préjugés, les voiles. C'est une colère de dévoilement. La colère mentale donne un éclairage par rapport à une situation. Ça ne veut pas dire que la colère mentale va permettre de changer la nature de l'événement. Par contre, elle permet d'y voir plus clair par rapport à l'événement. Et ça peut être intéressant parce que ça peut enlever de la souffrance dans une compréhension vibratoire de la nature d'un événement. Et si la personne a une compréhension que pour des raisons de loi d'énergie, il ne peut en être qu'autrement, ben, certes, la personne subit par exemple un événement qu'elle ne veut pas, mais elle ne le réfléchit plus. Et une partie importante de la souffrance vient du fait que la personne réfléchit à un événement. Parce que si la colère mentale sort la personne d'un état de tristesse ou de culpabilité en relation avec l'événement, puis lui fait en sorte qu'elle a le mental intact, même si sa situation se dégrade, par exemple, par rapport à un problème de santé, alors, en dépit de ça, à un certain niveau, la paix de l'esprit, certes, elle peut, en réfléchissant à la condition de son corps physique qui se dégrade, en réfléchissant à ça, vivre de la souffrance, mais est capable de s'en sortir pour retomber dans la paix de l'esprit. Donc, la colère mentale, dans certains cas, peut changer un événement parce que la personne, au lieu de se comporter au niveau psychologique, d'une manière mécanique au fil du temps, avec un certain niveau de rancune, alors je prise là-dessus, puis agit d'une manière différente. Elle sort de sa mécanicité psychologique, puis elle peut amener des changements au second niveau. Sous l'impulsion d'une colère mentale, une personne, ça fait 20 ans qu'elle est censée faire des ménages par rapport aux différentes pièces de sa maison, bien, elle va se mettre en action, puis elle va agir. Donc, des fois, ça amène des actions Pas nécessairement tout le temps. Ça dépend de ce que la personne a à faire. Et la colère mentale vise à aligner l'individu avec les lois de l'énergie de l'esprit, plutôt qu'elle en soit coupée. Donc, à un sens, la colère mentale, c'est une colère d'unification entre l'individu et la conscience de son esprit. Tandis que la colère astrale cherche à diviser les individus entre eux, puis l'individu par rapport à lui-même, ce qui est très différent. La colère mentale cherche à mettre de l'ordre. C'est une colère qui est en relation avec un principe, un certain niveau d'amour, car c'est une colère qui est dans une optique de lutte contre la domination et d'imposition qui est faite au détriment d'une personne ou d'autres personnes. La colère mentale est porteuse d'un ordre nouveau. Tandis que la colère astrale est porteuse d'un chaos en relation avec du mémoriel ancien et de désordres du passé qui sont amplifiés. La colère mentale peut amener un changement au sein de l'individu, puis éventuellement par rayonnement de gens interposés, faire boule de neige et en incidence sur le collectif. La colère mentale peut amener des changements au niveau planétaire et cosmique en profondeur. La colère astrale n'a pas cette portée. La colère astrale n'aura jamais la capacité d'amener des changements au second niveau de la conscience pour les individus concernés. La colère astrale ne permettra jamais à un individu de sortir d'une prison psychologique et de s'émanciper totalement du filet de la toile planétaire qui lie la personne au plan astral. La colère astrale et la colère mentale n'ont donc pas les mêmes fonctions, d'où la pertinence de la personne d'avoir le discernement pour distinguer entre les deux. Et pour être capable de distinguer entre les deux, habituellement, la personne, il faut qu'elle ait un véhicule sur lequel s'appuyer, qui la lie au plan éthérique, qui lui permet de pulser, ne serait-ce que momentanément, la colère mentale, pour être capable de la reconnaître consciemment. Pourquoi la colère mentale crée un état de vide de réflexion alors que la colère astrale amplifie, accentue la dimension réflexive? C'est que la colère mentale fait éclater la forme pour libérer l'énergie qui s'y rapporte. Et quand la personne vibre de la vibration de l'esprit, il n'y a pas d'entrée astrale possible car la personne s'habite, elle est présente à son corps, à sa conscience. Donc, elle ne laisse pas la place libre pour des parasites à y entrer. Le travail avec l'esprit et l'utilisation de la colère mentale demande une vigilance constante, une grande capacité de contenance énergétique, sans la perdre. Le prix à payer pour une personne qui vivrait, par exemple, la colère mentale en relation avec des gens du collectif, c'est l'incompréhension. Car, comme l'a déjà été dit, le semblable ne peut être connu que par le semblable, et ça prend une personne qui a déjà vécu le phénomène de la colère mentale pour en comprendre une autre qui vit le phénomène. La colère mentale qui rentre au sein des individus peut l'amener de plus en plus à une volonté de ne pas se faire chier et charrier par la pensée des événements et avec une fermeté grandissante dans son affirmation identitaire. Ça amène l'individu à mettre ses limites dans son rapport à l'environnement. Une personne peut dire « c'est pas vrai que les gens de mon environnement ou les médias vont orienter la nature de mes conversations, mes communications ». Parce que là, les médias vont dire, ben, là, on va parler de tel attentat qui a eu cours contre tel président. Là, on va parler des changements climatiques. Là, on va parler de la guerre en Ukraine. Là, on va parler d'une période qu'on dit de pandémie. La personne peut dire, non, ça, c'est votre agenda. Je suis pas obligé d'y répondre. Foutez-moi la paix. La personne dans un état de colère mentale se désaffilie des intérêts de la masse, se désidentifie de la masse, même s'il y a des injonctions hypnotiques qui sont faites par des animateurs de bulletins de nouvelles pour que la personne s'amalgame à la masse, dans le sens que, par exemple, ici au Québec, on a des bulletins de nouvelles où le présentateur des nouvelles va dire « Tout le Québec a été ébranlé d'apprendre la mort d'une jeune fille à peine âgée de 4 ans dans le cadre d'une noyade qui a eu cours pendant l'été. » La personne qui a un esprit critique peut dire « Non, je n'ai pas été ébranlé, je n'ai pas été perturbé par cela. » Donc, ne m'incluez pas parmi tout le Québec, mais c'est une formule à caractère hypnotique en disant « Vous êtes tous des gens qui souffrez émotivement d'une grande tristesse suite au décès d'une jeune fille dans le cadre d'une noyade, suite à une baignade entre amis qui a mal tourné. Non, je regrette, ça ne m'a pas perturbé, ça n'a pas à me perturber. » Si j'ai de la tristesse en relation avec le décès d'une jeune fille, certes, c'est regrettable. Moi-même, j'ai une fille, j'aimerais pas ça que ça y arrive. Mais est-ce que ça va la ramener à la vie de vivre de la tristesse? La réponse, c'est non. Y a-tu de l'intelligence à vibrer par rapport à un drame humain qui lie d'une personne à un passé s'il n'y a pas de possibilité d'agir créatif par rapport à ça? La réponse, c'est non. Alors, pourquoi vibrer à cela? Pourquoi se donner à pâture à l'astral? En vibrant à ça, puis à s'identifiant aux suggestions hypnotiques, médiatiques, en lui disant, ben tout le monde est ébranlé d'apprendre la mort d'une jeune fille ou tout le Québec a été touché d'apprendre la mort d'une vedette du domaine du cinéma ou de la musique locale. Tout ça, c'est de l'inintelligence, mais qui sert à l'astral et qui doit être développé et contesté. Il y a des gens qui vont dire « Ben là, t'es indifférent, tu te fous des autres si tu t'intéresses pas à ça. » La réponse, c'est non. La jeune fille qui est morte, tu peux vouloir dire « Ben, elle mérite respect. B, est-ce que c'est intelligent de pleurer pour elle puis passer la prochaine semaine à regarder en boucle des bulletins de nouvelles qui nous en parlent constamment d'une manière répétitive et obsédante? » La réponse, c'est non. Il faut faire autre chose. Donc, la colère mentale amène une contestation de l'inintelligence des forces astrales qui cherchent par différents moyens de nous récupérer puis de nous manipuler. La personne qui entre en colère mentale, ça peut être d'agir ne serait-ce que de façon à arrêter de dilapider ses énergies vitales en se souciant de choses qui ne la concernent pas. Puis, quelqu'un qui vit un état de colère mentale peut paraître égoïste en disant « Ben toi, tu te fous des autres, tu te fous de la personne qui est la jeune fille qui est morte d'une noyade. » La réponse, c'est non. C'est pas nécessairement qu'on s'en fout. C'est une perspective de nourrir de l'émotionnel qui, à un certain niveau, est retardataire. C'est de voir par rapport au jeu, mais très peu de gens le voient. La preuve, les mêmes techniques de manipulation sont utilisées d'année en année. Je regarde des bulletins de nouvelles au moment où je vous parle, en 2024, en 2020, en 2015, 2010. C'est sensiblement les mêmes techniques pour récupérer les individus qui donnent les mêmes bénéfices à l'astral. Les êtres humains sont à l'image qu'on avait vu dans le film La Matrice, le premier film où les gens sont des batteries dont leur énergie vitale sont... vampirisés par des forces qui les réchappent. Dans le film La Matrice, c'était des robots qui se connectaient sur les individus un peu à la manière de ventouses pour leur puiser leur énergie. Bien, c'est la même chose par rapport aux êtres humains et les réalités occultes. Et pour sortir de ça, il faut se désaffilier de toutes ces connexions qui nous vampirisent les énergies en coupant les liens un à un. Puis ce qui amène ça, c'est naturellement l'utilisation de la colère mentale. Mais la personne ne sera pas bienvenue en société pour aborder le sujet qui est voilé à beaucoup de personnes. Ça va être plus un vécu individuel. À l'heure actuelle, dans les médias de masse, on vous parle pas de l'importance de la colère mentale comme force énergétique qui a un rôle émancipateur pour l'individu qui connaît un processus de conscientisation, n'est-ce pas? Il y a quelques personnes qui en parlent sur Internet. Naturellement, les gens ne sont pas nécessairement bien vus, valorisés. À la différence de médias de masse. Mais c'est comme ça, c'est ainsi la vie. C'est ça, si vous appréciez en passant mes enregistrements, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, s'il y a des gens que vous trouvez que ça vous apporte quelque chose d'entendre parler de sujets comme aujourd'hui, là, la distinction entre la colère psychologique, colère mentale, et que dans le fond, que vous réalisez que finalement, ben peut-être que j'aurais plus d'énergie puis de vitalité si je n'étais pas dans le rôle de la personne qui se fait dire comment penser par les médias, les bien-pensants, qui vont dire, ben aujourd'hui, il faut que vous sentiez, dans le fond, triste parce que vous avez appris que pendant l'été, une jeune fille est morte d'une noyade. Donc, si la personne dit non, c'est pas vrai que le média va conditionner ma façon d'être et vous trouvez intéressant l'idée de contester ça, ben, c'est sûr que vous pouvez m'apporter votre soutien énergétique à un certain niveau, parce que l'argent, c'est une forme d'énergie. Ce sujet en bas de l'enregistrement à présent, vous allez avoir les infos qui sont inscrits par rapport aux services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal que vous pouvez, dans le fond, utiliser à cette fin. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.